ça va bien moins t'as senti découragé, la vie moins pas t'as du sens, moins t'as perdu toute confiance. Parce que chérie, faut que moins dis dans la vie ça c'est ou même seul. Quitte tout espoir, quitte tout bonheur moins, la vie moins pas t'as du sens, moins t'as perdu toute confiance. Moi t'as senti découragé, la vie moi pas ta gain sens, moi t'as perdu toute confiance. Thank you. c'est toujours même nous-mêmes. Si mesdames qui disent salpoté. Moi qui salpoté. Dis-moi salpoté. Oublié moi, moi t'as senti me décourager, la vie moi pas ta gain sens, moi t'as perdu toute confiance. Parce que chérie, faut moi dis où, dans la vie ça c'est ou même seul. Qui tout espoir, qui tout bonheur moi, la vie moi pas ta gain sens, moi t'as perdu toute